Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com. Deuxième rendez-vous de sur nos écrans cette semaine, le 39e épisode consacré cette fois au bilan de mi-saison de la série iZombie qui en est à sa deuxième saison sur la CW. On va voir si par rapport à quand on avait parlé au tout début de saison, les avis sont les mêmes ou si la série s'est un petit peu dégradée. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 39e numéro de sur nos écrans. My name is Bruce Wayne. And I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi pour ce bilan d'iZombie à mi-saison 2, Arnaud. Salut. Et Irish. Salut. La même équipe que jeudi. Donc deuxième fois qu'on se voit cette semaine pour un bilan, donc on va pas refaire le point sur ce qu'on a regardé. Évidemment, on va pas vous dire deux fois la même chose. On va commencer direct par iZombie. Donc, deuxième saison. Le bilan à mi-saison s'arrêtera à l'épisode 9, si je dis pas de bêtises, cette fois. Oui. Ouais. Donc on parlera des épisodes 1 à 9, on ne parlera pas du 10 qui a été diffusé au mois de janvier, parce que je serais bien incapable d'en parler parce que je ne l'ai pas vu. Ah mais je peux t'aider si tu veux. Non non merci, ça y est. Donc on va voir ce qu'il en est de cette première moitié de saison. Si je me rappelle bien, on en avait parlé au bout de 2 ou 3 épisodes, pas plus. On était plutôt... Enfin, moi, je me rappelle, j'avais été un peu déçu. Enfin, j'avais moins aimé que la première saison. Je me rappelle bien de ce que j'avais dit. J'avais moins aimé, j'avais été moins accroché, peut-être moins surpris. Voilà. Et puis, par contre, Arnaud, toi, t'étais toujours... Ouais, j'avais adoré. Toujours bien satisfait. Irish avait découvert avec la... Rappelez-vous, Irish avait cette hérésie de commencer à les zombies au premier épisode de la saison 2. Tu as rattrapé de vrai la même... série. Je sais même pas si on en avait parlé. Non, même pas. Oui, tu... Oh là là. Il continue. Là. Ouais, je continue la saison 2. Continue de vivre dans le péché. Ça ne sera pas la première fois que je fais ça. Donc... Voilà. Et bien voilà, nous sommes une équipe de pêcheurs. Allez, puis ça va bien avec le thème de la mort et de la résurrection, tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on en pense de cette mi-saison 2? Pareil que d'habitude, on positionne notre avis. Donc Arnaud, toujours aussi enjoué? Ouais, même voire plus peut-être, si c'est possible. Oula, ça promet. Ah, avec le petit AA de Irish, est-ce qu'on doit en comprendre que peut-être pas? Je ne dis pas, je ne déteste pas, j'aime bien la série, ouais. Mais ces enjeux me sont totalement, comment dire, ça te passe au-dessus de la tête. Je m'en fous un peu des enjeux, ça. Voilà. Les enjeux me sont tellement pas mis en avant, que je pense qu'on en avait déjà parlé, Mathieu, que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir comment elle va cuisiner le cerveau. Comment. Il faut savoir qu'on a une émission perdue de iZombie, voilà, qu'on avait fait Irish et moi, où on vous faisait un petit bilan, je crois, à l'épisode 7. Et où effectivement, bah, on va en reparler là, mais effectivement, ce qui est. Je vais peut-être placer mon avis avant de revenir là-dessus, mais ça va être intéressant pour redémarrer. Pour ma part, j'oscille. Un épisode me plaît, un épisode me plaît pas. Ça va vachement dépendre du cas, en fait, et de la personnalité qu'elle va prendre. Et je suis plus autant surpris qu'en première saison. Voilà, l'avis que j'avais au début de saison semble se confirmer. Ça reste sympa, ça reste bien. Oui, tout à fait. Mais voilà, j'arrive à être lassé parfois, ce qui est dommage. Alors qu'on est non. Clair. Alors voilà, justement, ce qu'on avait dit avec Irish dans cette fameuse émission perdue, c'est qu'il y avait quand même quelque chose cette saison. Vous avez instauré un gimmick par rapport à la saison 1 qu'on avait apprécié tous les deux. Ouais. C'est qu'effectivement, on a la recette de la semaine. En plus du cas de la semaine, là, cette année, on a la recette. On a comment est-ce qu'elle va nous cuisiner le cerveau. Avant, c'était toujours avec des pâtes, enfin, c'était assez. Là, on a l'impression d'avoir des vraies recettes. Limite, elle pourrait faire un livre de cuisine, on l'avait dit. Ouais, limite, il pourrait nous faire un livre avec les recettes, quoi, parce que on a les plats sont beaux, en plus, ça donnerait presque envie, quoi. Bah oui. Le sandwich, oui. Je sais plus quoi d'autre. Ouais. Un plat, un petit sandwich, et qu'est-ce qu'elle nous fait des petites verrines. Enfin voilà, elle fait. Elle cuisine bien. Ouais, elle cuisine vachement bien. Mais elle cuisine. Et puis c'est une séquence qui est à chaque fois bien filmée, enfin qui est bien au niveau image et tout ça. C'est rapide. Elle est bien rythmée, elle est sympa à regarder, et moi elle me plaît bien cette petite séquence de 30 secondes. C'est exactement ça. Et ensuite, après, une fois cette séquence a passé, non, c'était juste avant cette séquence là, c'est tu découvres la personnalité de la personne qu'elle va avoir. Donc elle va commencer à changer, ouais. Voilà, tu vois comment elle sera. Et après, c'est comment cette personnalité-là va interagir avec Babino, avec comment il s'appelle le barbu super sympa que j'adore là, Avravi, voilà, et éventuellement aussi avec avec qui? Major. Major, voilà, exactement. Donc c'est ça pour moi qui me passionne vraiment dans la série au final. Hein. C'est la série, quoi. C'est tout Non, ce mais qui fait l'originalité de la série. oui, mais c'est C'est pas le ça. cerveau et l'interaction que la nouvelle personnalité a dans sa vie. Ouais, mais là, c'est pour moi, autant en première saison, ouais, la qualité, le ressenti que je pouvais avoir des épisodes et de la série n'était pas impacté par le personnage. Peu importe la personnalité qu'elle prenait, peu importe le cas de la semaine, j'aimais, parce qu'il y avait des surprises, parce qu'il y avait des choses que je découvrais et qui me plaisaient. Maintenant, en saison 2, en fonction de la personnalité qu'elle va prendre et du cas de la semaine, Exactement, ça va voilà. impacter mon ressenti, et il y a des épisodes que je vais laisser couler, que je vais regarder que d'un œil, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est le Dès le début contraire. de l'épisode, tu te dis, ah, c'est une personnalité bof. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Ouais, peut-être pas Moi, dès c'est le le début, mais contraire. assez vite, je le sais, en tout cas, ouais, c'est vrai. Au début de la saison 1, il y avait des épisodes qui m'emmerdaient, franchement. Et là, pour le coup, au contraire, toutes les enquêtes m'intéressent. Hein. Peu importe la personnalité, peu importe les enquêtes. Bon, il y a des enquêtes meilleures que d'autres, par exemple. Non, je peux pas en parler puisque c'est dans l'épisode 10, mais je sais plus. Quand elle est coach, par exemple, je crois, ça Ouais. m'a moins intéressé que l'épisode des C'est magiciens. l'épisode 5, Love and Basketball. Voilà, oui, c'est Ah. ça. Il m'a moins intéressé que, par exemple, les magiciens ou la Vous Stalker, hein. Mais je verrez. pas non plus ennuyé pour autant. Je dirais pas que c'est un mauvais épisode. Ou l'épisode où elle joue la housewife riche, là. Alors, Ça, celui-là, il était bien, il était Real bien. Dead Voilà, ça, il Housewife of Seattle, voilà l'épisode 3. Il est incroyable celui-là. Enfin, voilà, la était. personnalité, c'est une vraie bitch. Et j'adore ça. Enfin, elle était géniale. Surtout que c'était totalement à l'opposé de ce qu'elle est généralement. Ah bah pour le coup c'était surprenant de l'avoir comme ça. Voilà. C'était ce petit œil pervers par moment qui était enfin c'est super bon quoi à voir. Et Ça, ils ont vraiment, surtout dans les derniers épisodes de la mi-saison, là, vers le 7, 8, 9, c'est que des personnalités vraiment extravagantes qui sortent totalement de qui elle est. Que par exemple, là, le magicien, la stalkeuse ou la super, alors surtout la super. moi le magicien il m'a saoulé quoi. Moi ça m'a Peut-être. pas ça Mais m'a par pas exemple, la parlé mal. super-héroïne, c'est totalement l'inverse de qui elle est. Et pourtant, ça fonctionne bien. Ah, j'ai pas beaucoup aimé la super-héroïne. Cape Et Town, du ça coup, s'appelle, c'est ces celui-là. moments, ces monologues de justice à la, je sais pas, enfin, de héros. Des fois, t'as l'impression Bah, de voir un mais voilà, roux, mais je sais là, non, on quoi. parle du truc, mais là, on parle de. Non, Rodi. non, non, je reviens. C'est super, hein, j'adore. Mais là, on est en train de parler, mais c'est pas vraiment ça l'intrigue. Ce dont on parle, ça ne fait pas l'intrigue d'une série, ça ne fait pas l'intrigue. Ah Le oui, fil rouge, on c'est. parlera du fil rouge après, hein, mais on peut Mais rester sur. c'est ça qui doit être le plus important au final dans la série. Bah, C'est. là, ça Non, l'est pas, c'est parce que non. moi, Ouais, comme je crois toi, que ce c'est fil l'est pas. rouge, moi, comme toi, ce fil rouge, on en parlera tout à l'heure, me passe complètement dessus, je m'en fous. Et c'est pour ça. Mais du coup, voilà, pour juste terminer un petit peu sur toutes les personnalités, etc. Donc, le magicien, je l'ai pas aimé, et c'est un signe puisque il a été diffusé au mois de novembre l'épisode, et je n'ai regardé que les deux derniers. Voilà, aujourd'hui pour l'émission, parce que j'avais pas envie, parce que j'étais resté sur un épisode qui m'avait saoulé. Et puis au final, on tombe sur l'épisode de la Wedding Planner, qui est assez incroyable, la stalkeuse. Celui-là, j'ai adoré. Du coup, j'ai enchaîné avec bonheur Ah sur bien sûr. l'épisode 9, Et vraiment, parce surtout que. que la stalkeuse avait là pour le coup, c'est une personnalité qui a eu vraiment un impact Ouais, assez. sur la série et sur son fil rouge. Voilà, Là, pour le exactement. coup, il y a Donc vraiment vraiment pour le quelque coup. chose. Et après, Cape Town, donc cet épisode avec les fameux super-héros, c'est rigolo de voir tous ces héros avec leur nom, Megafist et compagnie. Enfin, voilà, c'est rigolo. C'est rigolo, mais ça va pas plus loin. Voilà, moi, ça m'a paru forcé et... Non, parce qu'en plus, il y a plein de petits clins d'œil, genre, non, j'ai Trop. rien dit, j'allais pas encore parler du 10. Trop forcé, trop. Je sais pas, c'est. Il y avait un truc qui me Moi, je trouve paraissait ça très pas. plaisant. Il y a un truc dans cet épisode qui me paraissait moins naturel que dans les autres. Par Moi, contre. ça m'a pas dérangé que, certes, d'un coup, on me dit, il y a des mecs qui se prennent pour des super-héros dans la ville, alors qu'on n'en a jamais entendu parler, et pourquoi Seattle? Mais enfin moi ça m'a pas dérangé, ça faisait partie de l'aspect un peu loufoque de la série. Et une fois que t'as passé ça, le fait qu'il y ait des super-héros, enfin que des mecs se prennent pour des super-héros, tu Oui, passes à côté de ça, tu ris. Ah non, Tu j'ai rigoles pas. avec eux? J'ai Oh, pas juste Reed beaucoup. Iron Fist de Megafist, c'est tout. J'ai pas beaucoup Phileas aimé. Fogg, quand tu le vois arriver, avec son di avec ses discours. Oh, j'ai trouvé pathétique, en fait, il m'a fait rire, j'ai trouvé Et pathétique. c'est ça, justement. Bah bon, moi ça me fait ça m'a du coup ça me ça déclenche pas le rire quand j'ai ça chez moi. Ils en Mais jouent. après voilà, je suis quelqu'un qui est pas friand des comédies, donc forcément quand on vire dans cet aspect-là, ça me passe au-dessus aussi. Voilà, logique. Logique. Bon voilà, on a fait le tour un peu toutes les personnalités que Liv a adoptées. On oublie quand même Zombie Bro, faut pas l'oublier, le deuxième qui était sur les fraternités sur les facultés. Ah oui, d'accord, oui. Il était quand même pas mal celui-là aussi. Donc voilà, il y a des choses sympas, mais maintenant il y a le fil rouge. Et effectivement, là je rejoins complètement Erich là-dessus. C'est ce dont devrait avoir envie de parler en premier, logiquement, parce qu'on parle d'un truc qui est sérialisé et tout. Et moi, je m'en fous. Si c'est réalisé que ça, puisque justement, t'as le. C'est pas la Agents of Shield où chaque épisode parle du fil rouge. Là, c'est un mélange de procédural et d'un fil rouge étonnant. Ah oui, mais là, moi, Enfin, le c'est pas ce truc. qui est le plus important, ce qui est mis en avant. Et C'est je le pas trouve ça. même, et je le trouve même mauvais, en fait, moi, le fil rouge. Ah, mais moi, Ah, je c'est peux même surtout te plus ou dire moins que. le même qu'en saison 1. C'est Ah une non. suite de la saison 1. Ah non, là, c'est le fil rouge de la saison 1 qui s'est barré en couille, là. Exactement. Parce que au final, le cerveau de le cerveau dans le frigo du chinois ou du japonais, je sais plus. Après, on s'en fout vite. Même le détective, il s'en fout un peu des fois. Il voit les. Il voit le. Il fait un test, le labo lui dit que c'est pas Oui, un cerveau si, je humain, sais, donc forcément mais qu'il passe à le autre chose. plan d'un cerveau, C'est oui, bon? ça a été remplacé, mais je sais pas à quel point, pour comment te dire. Même quand il s'appelle Max Reader, moi je suis plus emballé par Mais on les s'en fout. bêtises qu'il est en train de dire, ou les amusements qu'il fait avec les objets qu'il y a autour de lui, Non, que par le projet qu'il est en train de mener, non, mais moi, honnêtement. c'est. À Mais son projet, enfin. on s'en fout un petit peu, parce qu'on surtout qu'on n'en parle pas énormément pour l'instant. Bah, oui, mais au final, mais t'as l'impression que ce projet il est quand même lié aussi un peu à l'intrigue, puisque Bien Major, sûr. il a un job pour Major. Major est censé tuer tous les zombies de la ville, donc Qu'est-ce que c'est que cette idée à la con en plus? On en bon. parle 2 secondes de ça aussi. Ah non, mais moi, dans cette idée autour de Max Veger et compagnie, là, il n'y a rien de. Je garde rien, quoi. C'est ça. Sauf quand il déconne avec Alain. Ça fait mauvaise intrigue de mauvais Austin Powers, quoi. Non. C'est quand j'ai découvert son laboratoire, Oui, c'est le labo, ok. il fait courir des zombies sur un tapis de course, et Ah oui, c'est gros, ridicule. c'est ridicule. Non, là, enfin, c'est. Voilà, moi, il y a vraiment ce fil rouge. Y a pas que ça, y a autre chose, hein. Ben ouais, mais c'est quoi les autres choses? C'est l'histoire d'amour entre Major et Liv? Non, c'est le sérum que Major, que Ravi est en Oui, il y train a le de faire. sérum aussi, qui a fait un L'autre qui enfant. a son Non, mais entreprise de. le sérum, on n'en parle pas. On en parle une fois à la fin de l'épisode 9 pour qu'on se rappelle qu'il est en train de travailler dessus, effectivement. En même temps, ils sont en train de. Ravi le dit lui-même, il peut rien faire tant qu'il n'a pas l'utopium. Bah, c'est bien pratique. Oui, du coup, bah, on va se concentrer sur Permet les trucs réalisés. de faire durer l'intrigue sur 22 épisodes, bah, c'est un artifice comme un autre. Hein. Ouais, mais ça sent. Ça, Ah, c'est. c'est pas la première fois, excuse-moi, dans Flash, ils le font aussi. Oui, non, mais certes, mais là, le fil rouge du une, il s'est barré en couille, et de deux, effectivement, on voit bien qu'il est tiré. Mais bon, pourquoi pas, mais voilà, moi, Ouais, je sais cette pas, intrigue justement, centrale, si. j'accroche pas du tout. Peut-être au final, il a raison. Peut-être au final, il a raison, Arnaud, que c'est que peut-être que nous. On parle de notre déception sur quelque chose qui ne devrait pas l'être, et que en fait on devrait le regarder comme on regarde par exemple je ne sais pas quoi, je sais pas, par exemple la série humoristique Brooklyn Nine-Nine Mais je regarde où pas ces trucs-là, moi j'aime pas les comédies. bah, rien à voir. Donc Oui, déjà mais de base, je suis mal barré peut-être. bah, peut-être. je trouve que justement ils ont ajouté un grain de folie supplémentaire dans cette seconde 2 qu'il n'y avait pas dans la lune. Hein. C'est justement ça que t'aimes pas. Non, c'est pas ça, c'est que des fois, tu sais, quand t'as un fil rouge qui peut être vraiment léger, de temps en temps, tu te demandes, ah zut, il faut que je sache comment il va faire par rapport à ça. Même si t'es accaparé par l'enquête qu'ils sont en train de faire, t'es toujours en arrière-plan dans ta tête, et t'es pressé quand même de savoir ce qui va se passer. Je te prends un exemple d'une série comme par exemple Doctor House, qui était une série assez conventionnelle, qui avait un fil rouge assez léger, qui était notamment sa relation avec le docteur Lisa Cody. Et les différents cas qu'il avait à chaque fois, tu étais quand même un peu pressé d'avoir Lisa Cuddy qui rentre pour qu'il parle de ce qui s'est passé la semaine d'avant ou je ne sais pas. Sauf que là, tu ne l'as pas, ça. Je n'ai pas le... Jamais été pour leur relation, donc non. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Irish. En fait, je vais essayer de l'exprimer comment moi je le ressens. Si dans les épisodes, on enlevait Max Weger, on enlevait tout ce... Hein ? Rager. Rager, ah oui, mais Weger, c'est quoi ? C'est son entreprise ? C'est Vaughn. Non, c'est... Bon, bref. L'entreprise s'appelle Rager. Ouais, c'est Rager, c'est... Oui, mais le... Là, il s'appelle Clark Duvon. D'accord, bon. L'entreprise, c'est Max Rager. Si on enlève cette entreprise-là, si on enlève le plan dans le laboratoire, en fait, si dans tous les épisodes, on ne parlait pas de tout ça... Mais je regarderai quand même la série parce que c'est pas intéressant. Et contrairement à la série, c'est pas intéressant. Je comprends pas. Si on enlevait tous ces trucs de fil rouge, feuilletonnant, etc., pour n'avoir que l'intrigue de la semaine, avec l'enquête de la semaine, la personnalité de la semaine. Comme les experts, par exemple, Jean. Bah, par exemple, je préférerais. Je préférerais parce que j'en ai rien à faire de ce qu'on nous sert à côté en pseudo fil rouge parce que pour moi, il est nul. Ça devrait pas te poser problème qu'on n'en parle pas beaucoup alors de ces fils rouges. Tu dis tout à l'heure, t'as dit toi-même qu'on les voyait presque pas, qu'on te rappelle à la fin de l'épisode 9 que le sérum ne fonctionne pas. Oui, parce que c'est pour cette centrale. Mais les épisodes, on n'en parle pas de ces fils rouges alors. Ce que j'aime pas. Ça dure 10 minutes dans les épisodes, à tout casser. Ce que j'aime pas, c'est qu'on en parle parce que c'est mauvais. Moi, ce que je veux, c'est un bon fil rouge qui relie tous les épisodes. Et que plutôt que d'avoir ça, je préférerais pas en avoir. Voilà ce que je dis. Je préférerais avoir un vrai procès du rôle sans lien que TF1 serait très content de diviser dans le désordre plutôt que ça avec ce fil rouge complètement what the fuck qui pour moi c'est, ouais, c'est je sais pas où ils ont été chercher tout ça mais ça m'intéresse juste ça m'intéresse pas ouais. Enfin, moi ça m'intéresse moins que l'affaire du jour. J'adore voir quelle nouvelle personnalité elle va avoir mais ça me dérange pas non plus. Enfin, il y a des choses certes beaucoup moins intéressantes, comme le coup du labo, donc certes on s'en fout. Major, au début, c'était intéressant aussi de voir comment justement il allait s'en sortir avec sa liste. Comme on n'a pas plus trop, ça tourne un peu en rond, ça commence à devenir un peu chiant. Mais à côté de ça, le coup du sérum, moi, ça, on n'en parle pas souvent, mais justement, ça me va parce que les rares fois on en parle, ça reste intéressant. Le coup de le sérum, Liv et Major peuvent pas avoir de relations sexuelles, sinon il devient un zombie. Ok, ça pose des problèmes pour leur relation. Ensuite, à la fin si je me trompe pas, c'est à la fin du 9, on découvre que le remède est seulement temporaire. Donc, on te relance l'intrigue de temps en temps, et à côté de ça, on te laisse avec l'affaire de la semaine qui passionne plus ou moins. Et moi, ça me va, ce balancement entre les deux me va bien, me convient. Moi, j'ai l'impression qu'on la relance parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, il faut peut-être qu'ils en parlent. Ouais, c'est exactement. Ils en parlent de temps en temps parce qu'ils attendent. Je pense qu'ils attendent certains. Comment ? Il doit y avoir. Ils veulent développer certaines intrigues plus que d'autres. Genre. Comment le. Genre Major, plus que le labo par exemple, parce qu'ils attendent, ils savent que peut-être plusieurs intrigues, c'est juste des suppositions, mais peut-être que plusieurs intrigues, enfin c'est même probable, que plusieurs intrigues vont se rejoindre, et du coup il faut laisser de côté certaines pour que d'autres intrigues avancent, pour qu'ils soient au même stade et puissent se rejoindre plus tard. Et donc de temps en temps, oui, il faut leur rappeler que cette intrigue existe, la faire avancer un tout petit peu, mais pas trop non plus. Moi, en termes d'impact sur la continuité de la série, tu as parlé de l'histoire des relations sexuelles qu'ils peuvent pas avoir parce que zombies, etc. Ça, j'ai adoré, ça m'intéresse. Le fait que à la fin de l'épisode, enfin que l'épisode du stalker de la wedding planner là, a un impact sur la relation avec Major, ça m'intéresse, ça me plaît vachement aussi. Ouais. Mais tout le reste qu'on nous met autour, ça me plaît pas. Et ça me suffirait en termes de continuité. On serait sur un truc qui évoluerait certes très doucement, ou ça serait juste quelques intrigues qui ponctuellement feraient avancer, tout ça, ouais, ok. Mais voir les deux en parallèle et à quel point la différence... Ouais, justement, non, ça me plaît pas, parce que ce serait un simple procedural, hein. Ce serait un CSI avec des zombies, quoi. Et ça finirait par m'ennuyer à force, hein. Ouais. Peut-être, mais je préférerais encore ça. Le fil rouge est raté. C'est raté, le fil rouge. Ça ne... Pour moi, c'est raté. Ça ne me passionne absolument pas. Ça ne rajoute pas. Je ne me pose pas la question de savoir quelle évolution ça va avoir, comment ça. Je prends par exemple l'exemple aussi de l'inspecteur Babino et d'ailleurs, ça va, c'est un truc assez révélateur. Tu sais, à un moment, il y a une scène où Babino, il est appelé par son chef. Et pendant qu'il est en train de discuter avec son chef, il y a sa copine, là, la nouvelle, la blonde, là, qui s'amuse à l'extérieur avec la chaise et fait semblant de pagayer ou elle fait semblant de, ouais, voilà, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène-là. Ouais. Et ben, moi, je suis plus intéressé par les conneries qu'elle est en train de faire que parce que, par le savon que le chef est en train de lui passer et qui était un peu vachement important parce que c'était en train de... Je pense que c'est fait pour que tu sois plus intéressé par ce qu'elle fait. Justement, elle est en train de faire la conne pour l'amuser et ça crée une relation entre les deux. Et par la suite, cette relation est une relation amoureuse entre les deux. Justement, c'est plus intéressant de voir en arrière-plan ce qu'elle fait, qui est la construction en arrière-plan de leur relation, plutôt qu'un énième savon qu'on a déjà vu dans la série. Je pense que justement, c'était fait exprès. Non, mais attends, le savon. Mais ce savon-là, il est important dans l'intrigue. C'était sur le fait qu'il fallait qu'il arrête les enquêtes sur puisqu'il est apparemment il avait fait pleurer la femme d'un défunt policier et voilà, donc c'est pas ils étaient pas en train de parler de c'était pas un petit savon genre ouais tu fais trop de conneries, non, c'était un truc important sur un fil rouge important, mais il y a même pas la preuve, je me souviens qu'il se fait passer un savon mais parce que c'était parce qu'il cherchait qu'il enquêtait sur c'était bien ça non la saison 1, je m'en souviens pas du tout de ça. Et c'est un moment où on se dit même, c'est un moment où on se dit même, ils vont, merde, Babino, il va perdre la main, il va plus enquêter avec Liv, quoi. Voilà, exact. Voilà. Et ça, tu vois, moi, ça m'amusait plus de l'avoir faire des conneries. Et c'est ça, c'est que cette série-là, elle est plus dans ces petites choses-là, au détriment de l'intrigue principale. Ouais. Bref, après voilà, on n'est pas. Ça met d'accord. De toute façon, je pense pas qu'on tombe d'accord là-dessus. Mais voilà, après c'est vrai que le fil rouge a tellement peu de place qu'au final ça empêche pas d'apprécier les épisodes où la personnalité de la semaine et où l'enquête de la semaine est intéressant, etc. Mais la semaine où ce cas-là est pas intéressant, derrière il me reste moi, du coup il me reste plus rien. Oui, c'est quand la série va perdre ça, Bon, après, il y a plein de choses encore à faire. Il y a encore plein de. Ouais. Ils sont assis sur une mécanique qui peut marcher pendant très longtemps. On peut être parti pour longtemps, avec plein de personnalités, de trucs. Enfin, voilà, il y en a des choses à faire. Très longtemps, je suis pas certain, vu les audiences. Ah, bah oui, mais il faut peut-être se poser aussi des questions sur l'audience. bref. Quoi d'autre sur cette première moitié de saison dont on n'aurait pas parlé? Je suis en train de chercher. L'intrigue de la rousse, là. Celle avec qui Major a... S'en fout. Voilà. Ouais, alors que normalement, ça devrait être important. Ouais, c'est exactement ça. Ça prend plus d'importance dans les derniers épisodes, puisque... Oui, dans 8 et 9, c'était le 10. Mister Boss a plus de place déjà, donc je pense que c'est quelque chose qui va prendre de l'importance à l'avenir et encore. Et pour vous dire à quel point. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que il recule certaines intrigues pour en avancer d'autres, pour que toutes ces intrigues là se rejoignent plus tard. Ouais, mais le problème pour t'exprimer à quel point ce fil rouge moi me passe complètement au-dessus et m'impacte, mais alors pas du tout. Mais je m'en fous aussi de celui-là. Je te parle du fil rouge global, de tous les fils rouges. C'est que parfois, ils te font des choses que moi je me dis, ils ont essayé de faire un cliffhanger. Je pense que ça, ce qui se passe, c'est important parce qu'il y a eu un truc dans un épisode d'avant, mais ça m'a tellement pas marqué et j'en ai tellement rien à faire que je vois même pas où est le cliffhanger parce que je me rappelle pas en quoi c'est lié avec ce qui s'est passé avant. Ouais. C'est exactement ça. Genre la rousse, j'ai mis très longtemps à me dire mais pourquoi ils insistent sur le fait que ce soit elle au téléphone, qu'on voit les messages, la photo, etc. Pourquoi c'est important et tout ça. Parce que j'avais oublié mais complètement ce qui s'était passé avec Major. Parce que j'en avais rien à faire. D'accord. C'est triste. Peut-être. Mais bon, ça m'empêche pas de kiffer la wedding planner et compagnie, quoi. Donc, heureusement. et ça m'empêchera pas de continuer. Mais contrairement à d'autres, en mini-marathon pour moi. Ouais, non, mais c'est clair que moi ça m'empêchera pas de continuer. Hein. Et comme tu dis Arnaud, la série quand t'as un petit, tu veux regarder quelque chose de sympa, tu veux te marrer un peu, tu veux, voilà, ça reste bien, hein, ça te prend pas la tête, tu vas pas te prendre la tête à dire oh il y a un truc dramatique qui va se passer. Non, c'est agréable. En fait, ce que j'aime dans cette série, ça y est, j'ai mis le doigt dessus. Ce que j'aime dans cette série, c'est son côté Véronica Mars. Mars, ouais. Parce que ça, voilà, on le ressent, forcément. On ressent cette patte de Rob Thomas et on ressent cette espèce de dans la personnalité de Liv, dans des choses comme ça. Il y a un peu de ça, quoi. Et ça, j'aime. Et c'est ça, en fait, c'est quand les cas intéressants, c'est souvent des cas qui vont faire écho à des trucs et avoir cette espèce d'ambiance. Alors c'est hyper difficile à exprimer et à expliquer, mais dans les cas que j'apprécie, dans les cas de la semaine que j'apprécie, il y a ce petit côté Véronica Mars des fois. Ouais, ouais. Mmh. Et c'est ça en fait que j'aime dans la série. C'est pas forcément les zombies en fait. C'est Véronica Mars dans les zombies. Mais bon. Bah, tu serais content de l'avoir puisque dans le prochain épisode... vivement que je l'entende. Bah c'est le prochain dans Blades of Grey Matter, ouais. Qui va être diffusé le 3 février. 2. Ah oui, mais moi j'ai les dates, tu sais, avec mon cousin, tu sais, qui me les envoie. C'est le 3 qui m'envoie. Donc voilà, c'est pour ça. Donc oui, c'est le 2 février. Après Angoulême, tiens. Eh ben ouais, pourquoi pas. Mais du coup, ouais, c'est pas la série que je me dis chaque semaine, j'ai envie de. Faut que je vois les zombies. Non. C'est sûr. Si j'ai un petit temps à combler ou que j'ai le temps de regarder un truc et que voilà, je dois choisir entre ça et autre chose, je choisirais sans doute iZombie. Mais je vais pas me dire chaque semaine « Ah, j'ai pas vu iZombie, c'est dommage. » Non. Moi non plus, j'aime bien me faire des mini-marathons de iZombie. Je trouve que justement, à chaque fois que je regarde un épisode, je trouve... C'est pas forcément qu'il y a un cliffhanger à la fin qui me donne envie de regarder le suivant, mais c'est l'ambiance que j'aime. J'aime retrouver ces personnages et cette loufoquerie qui est... Comment ? C'est oui, le choc, oui. Ce petit grain de folie qu'ils ont dans les épisodes, ça me donne, je trouve tellement l'ambiance plaisante que j'ai envie d'enchaîner avec le suivant. Et c'est pour ça que j'aime bien me faire des petits marathons de 2-3 épisodes de la série. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça aussi que je fais des épisodes, des petits marathons aussi. C'est parce que. Comment dire ? Ouais, c'est un plaisir. C'est parce que voilà, il y a des épisodes, il y a des intrigues et des personnalités qui sont complètement folles et qui vont m'accrocher où je sais que je vais passer un bon moment. Mais comme je suis pas sûr que ce sera le cas dans tous les épisodes, je préfère peut-être en avoir 2 ou 3 pour en avoir au moins 1 ou 2 dans le lot. Oui, mais c'est ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Non, moi comme je les aime tous. Et par défaut, je commence à la garder en accéléré et après si c'est bien, je ralentis. Non mais c'est ça en fait, c'est que dès que t'as découvert la personnalité, c'est ça, je veux vite voir où déjà, on va. Voilà, ouais. T'es déjà un peu dans l'épisode d'après à te demander, bah ce sera quoi le nouveau. Oh, mais non. Mais voilà, mais j'aime bien quand même malgré tout ce que je peux dire sur le fil rouge et tout ça. J'aime bien les zombies, ouais. J'aime bien regarder ça. Ça me voilà, c'est juste que j'aimerais autre chose en termes de continuité pour la série. C'est pas grave, j'aime bien quand même. Bref, allez. Je vais pas me modifier, merde. On va clore avec ce bilan à mi-saison de la série. Il nous restera à en reparler une petite fois et après à faire le bilan de la saison 2 au complet. Saison d'une 20aine d'épisodes. Ouais. Je crois que c'est un nombre bâtard, genre 19, je sais pas quoi. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Je crois que c'est 19. Ils en ont rajouté 6. Peut-être. Parce qu'on s'était dit au moment de la news, tiens, est-ce que c'est pas 6 pour s'arrêter ? C'est possible. Parce que le nombre est pas. Voilà, c'est pas un nombre habituel, ça va être 19. Bref, on verra bien. Voilà. En tout cas, on en reparlera une fois et puis après, on fera le bilan final de la saison. En espérant quand même que ce soit pas un bilan de série. Parce que ça mérite un peu plus que 2 saisons. Et puis, on se retrouve donc. Alors, prochain rendez-vous. Encore 2 sur nos écrans pour cette semaine. Vous êtes gâtés, vous avez droit à un marathon de 4 émissions. Demain, on vous parle du pilote de Legends of Tomorrow. Et puis samedi, ce sera au tour d'Agent Carter qui a fait son retour. On vous parlera des 3 premiers épisodes de la saison 2. Évidemment, on se retrouve mardi pour le mag numéro 37. Et puis après, on va reprendre un rythme un peu plus normal du côté de sur nos écrans, maintenant qu'on est un peu recalé du côté des bilans de mi-saison, qu'on est à peu près à jour pour toutes les séries. On vous fera quand même un bilan de Walking Dead à mi-saison avant que la série revienne, hein, ce serait pas mal. Ouais. Et puis on sera embarqué après dans Deadpool, forcément Deadpool arrive, et puis il y a pas mal de films qui vont s'enchaîner, donc la fin de saison pour nos écrans va être aussi très cinéma, avec Deadpool, Batman, Bad Blood pour le film animé, on aura Batman v Superman, Captain America Civil War, X-Men Apocalypse, et tout ça avant la fin du mois de mai. Voilà. Et puis un jour, on s'est dit un jour avec Léo qu'on vous enregistrera le bilan de la Heroes Reborn. C'est pas pressant. Ah oui. On vous le fera quand même. Ah, j'en ai pas parlé sur nos écrans, mais j'ai fini. Et tu as fini. Ah ben, garde ça pour la semaine prochaine, ça nous fait un petit teasing. Ouais. Voilà. Mais on vous fera un bilan avec Léo qui a regardé aussi. Bah, du coup, Irish, si tu es là, on fera un bilan à trois parce que je pense qu'on devrait être les trois seuls. Hein. Clément aussi. Qui? Clément. Ah oui, je crois qu'il avait lâché l'affaire, mais peut-être. Ah, moi, il me semblait qu'il avait tout regardé. Ok. Ah, ok. Un bilan important alors. Allez, d'ici là, bonne série. Salut.